Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Ouais, c'est bien. Ok, donc je lance. Hello. Là, ça enregistre. Voilà. Ok. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Aujourd'hui, on a sélectionné un coffret de CD, d'enregistrement de Unseen Intelligences, donc d'intelligence qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire des fantômes en fait. Ouais, voilà, en partie des fantômes, mais plein d'autres choses aussi. C'est un coffret qui a été publié par une maison d'édition berlinoise, je crois. Ils sont à Berlin, ouais. J'avais acheté ça en 2007 ou 2008 quand j'étais à Berlin. Et c'est un coffret 3 CD qui est en vente à la librairie, là, que j'ai commandé. J'ai commandé quelques exemplaires pour cette édition d'Archipel. Et donc, c'est 3 CD qui compilent des enregistrements issus de phénomènes paranormaux au sens large, que ce soit des phénomènes médiumiques où des individus sont possédés par une entité souvent humaine, mais ça peut être aussi non humaine. Il y a aussi sur cette compilation des choses qu'on pourrait rapprocher de phénomènes comme les tables tournantes. Mais les tables tournantes, ça ne fait pas forcément de bruit, mais il y a des choses qui sont considérées très hautement dans les sphères de les sciences paranormales, comme les bruits sur des tables, sous les tables. Ça s'appelle des raps, en l'occurrence, dans le jargon. Il y a toute une catégorie basée sur la glossolalie, aussi des langues inventées, des gens qui se font envahir tout d'un coup par une entité et commencent à parler en langue un peu pseudo-automatique, étrange, qu'on ne comprend pas et qu'on peut peut-être déchiffrer dans un second temps. Il y a ce qui est appelé là dans la compilation des trans speech, qui est des enregistrements faits d'individus qui sont pour le coup un peu possédés par des démons. Ça, c'est dans le cas d'exorcisme par exemple. Et puis un des derniers aspects de cette compilation qui est vraiment intéressante, c'est tout ce qui tombe sous la catégorie de Electronic Voice Phenomena, EVP, EVP, qui en fait représente toute une catégorie de la recherche audio dans les sciences paranormales qui, par exemple, trouverait des voix fantômes dans des radios, des fréquences radio secrètes ou en amplifiant énormément des sons, des enregistrements dans des lieux. Tu enregistres le silence avec des gros guillemets dans un lieu, par exemple une cave ou quoi que ce soit, et après tu réécoutes ces enregistrements, tu fais un peu des manipulations sonores pour compresser le son, l'amplifier, et tu peux discerner là-dedans peut-être des tout petites traces de sons paranormaux, notamment des sons de personnes décédées ou des fantômes. Good, yes. Now this will be a real treat to him tonight. You. Yes. We'll let him come, huh? Righto, thank you, Sunrise. I should explain that Sunrise will let the gentleman come. Now the gentleman is Sam. He is the husband of one of our sitters, and he comes every week. But his favorite method of communication is the trumpet. He thoroughly enjoys the trumpet. He's mastered it completely, and you'll be able to hear him in a minute or two how clearly he can speak through it. Well, here's Sam, and I say, here he is. And he's so pleased because it is a long time since we had the trumpet. J'ai écouté le CD, et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment percuté, c'est que quand les gens qui interviewent des personnes qui sont possédées, mais en fait... Vraiment, ils s'éclatent, quoi, genre ils sont en train de rire. Si la personne, elle dit, par exemple, « Ouais, moi, je dois prendre l'énergie des jeunes et tout. » Et puis après, il y a la personne qui l'interview qui va dire Ah, donc pas moi, parce que je suis vieux, ha ha ha. Et je sais pas, ils rigolent, et moi, si je faisais ça, je suis traumatisée à vie. Hein. Ouais, mais là, ce que tu décris, c'est assez une bonne illustration, en fait, des milieux du spiritisme aussi, où il y a quand même toute une tradition de faire ça les vendredis soirs ou les samedis soirs en groupe, et d'appeler l'esprit de tel ou tel individu, ou des gens de la famille, ou peut-être des personnes connues. Dans cette compilation, il y a aussi, par exemple, des gens qui se mettent au piano et qui sont possédés par l'esprit de Chopin ou de Liszt et qui commencent à faire des improvisations ou des compositions automatiques à partir de l'esprit de tel ou tel compositeur ou compositrice qui aurait momentanément envahi leur être. Et ça dénote bien qu'en fait, ces personnes sont sérieuses, le font sérieusement et dans la plupart des cas, ils croient réellement. Mais c'est pas forcément toujours... Le paranormal, c'est pas toujours macabre et effrayant. Il y a aussi une partie qui peut être très banale où tout d'un coup on discute avec sa grand-tante ou avec son grand-père et on est content de retrouver tel ou tel individu. Et faut dire aussi que dans la compilation, il y a des choses très traumatisantes. Il y a des choses avec des exorcismes, notamment un exorcisme fameux de Annelise Müller qui a inspiré le film L'Exorciste. Et là, c'est vraiment, on entend une jeune fille hurler, complètement possédée, dans un état de conscience modifié. Moi-même, ça me glace le sang d'écouter ça, quoi. Hello. Yeah, hello. Goodbye. How he did that. Now, are you going to tell me how you knocked that settee over? Come on, tell me how you knocked it over. Put it by the bottom. You what? Put it by the bottom. Yes. Anthony. Pour moi, la définition de paranormal, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Mais alors, le son, c'est la même chose. On l'entend mais on ne le voit pas. Donc le son est paranormal en lui-même. Tu poses la question la plus sensée. En fait, aussi, moi, le fait d'avoir sélectionné cette compilation pour un festival comme Archipel, c'est vrai qu'il y a des liens depuis surtout le début de l'enregistrement, le début des médiums d'enregistrement. Il y a des liens très forts qui existent entre des préoccupations de type spirituel, spiritiste, et le médium de l'enregistrement passe depuis toujours quand les premières personnes qui ont pu commencer à faire l'expérience de réentendre leur voix, tu vois, la toute première fois où quelqu'un a réentendu sa voix, c'était un choc énorme, c'était quelque chose qui n'était pas encore complètement admis. Maintenant, ça paraît évident, avec n'importe quelle machine qu'on a dans la poche, on peut s'enregistrer et se réécouter. Mais les tout premières personnes et les tout premiers enregistrements qui ont été faits avaient une charge, pour le coup, complètement exceptionnelle et complètement extraordinaire ou paranormale, c'est-à-dire qu'il sort de la norme, qu'il sort de l'expérience normale des choses. Et c'est vrai que l'humanité, elle a vécu pendant des centaines de milliers d'années, des millions d'années depuis le début de l'humanité, sans avoir pu faire cette expérience. Et un jour, simplement, quelqu'un a pu remettre le son de sa voix, réentendre le son de sa voix. L'émergence, si tu veux, de l'audio est intimement liée aussi à l'émergence du mouvement spirit à la fin du 19e siècle. Les deux choses vont de pair et c'est aussi valable d'une certaine manière pour le cinéma ou pour l'image filmée. Mais dans le cas du son, il y a cette donnée en plus parce que le son est invisible. Donc il y a aussi ce phénomène un peu magique. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fasciné énormément d'artistes qui ont travaillé sur ces questions-là depuis très, très longtemps, quoi. Save you, yes. Yes, we're here to save you. Tell us. I can hear you, yes. Tell us what happened here. Tell us what happened. Fire. The plane caught fire? And it crashed? Yes. Where did it crash? Do you remember? Et alors, je fais juste un lien avec notre première interview où on a parlé de Clara Lévy et Hildegard de Bingen qui avait des visions. Est-ce que c'est une forme de paranormalisme ? Alors vaste question, quoi. C'est sûr que du coup, on pourrait mettre tout ce qui relève de l'invisible ou de l'inexplicable dans la catégorie paranormale. C'est-à-dire si, la normalité, si le normal, c'est uniquement ce qu'on peut constater avec nos yeux et nos sens ici et maintenant, en gros, tout ce qu'on peut croire qui n'est pas démontrable scientifiquement devient magique ou paranormal. Et dans le cas de Hildegard von Bingen, qui reçoit directement des visions de Dieu, d'une certaine manière, c'est sûr qu'elle est une médium, c'est le terme médium. Et donc, il y a un lien direct entre ce type de médiumisme et celui qu'on retrouve sur cette compile chez ce label qui s'appelle Supposé. Dusty Miller. Dusty Miller. Pat Sullivan. Yes. Ok, bah, merci Vincent. Merci Doris. Jerry Arnold. Help us. What can we do? Well, you know, can you hear me? You know you've left the earth behind. In the plane you died. Do you remember that? Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.